Comment en sortir? C'est vrai que c'est une affliction dans le mental qui est très dure. Elle est directement reliée à une peur, hein, et notamment celle de l'abandon. Donc, tant qu'il y a ce manque d'autonomie, tant que l'être à l'intérieur a certains besoins, est dans une certaine recherche, une certaine quête, il va nourrir ses peurs, voilà, qui datent sans doute avec des empreintes qui datent de très loin. Et en fait, la jalousie, c'est tout simplement l'ego qui, à travers cette volonté d'être aimé, d'être reconnu, va se manifester avec le filtre de la colère. Et donc, c'est là aussi, on est dans un mécanisme passionnant, puisqu'il y a une forme de faiblesse de ne pas pouvoir exprimer les éléments tels qu'ils sont réellement à l'autre. Et il y a une démangeaison interne qui est liée aussi à la colère, de vouloir exprimer la totalité de son être à l'autre. Mais cela, au mieux de se faire avec sagesse, ça va se faire avec une discrimination qui sera malveillante. Donc la jalousie, c'est effectivement un fléau, hein, qui peut pourrir des relations, comme la culpabilité, qui n'a pas lieu d'être, mais c'est la preuve aussi d'une agitation. Et donc, pour cela, c'est méditation, mettre l'esprit en paix et se donner beaucoup d'amour à soi-même, se connecter à cet amour-là, pour ne pas avoir besoin forcément et systématiquement de la reconnaissance de l'autre. À partir de cette autonomie, il n'y a plus aucune raison de développer ce genre d'affliction mentale.